NFL. Hier, on a parlé avec Hugues Fauché. Là, maintenant, on va parler avec son collègue du BlitzNFL.com. Il y a des sujets que j'avais gardés strictement pour Tony, donc la retraite de Drew Brees et de Sean Watson. Salut Tony! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Tony, on va y aller avec Drew Brees. Je n'ai pas parlé avec Hugues hier. J'ai fait exprès pour ne pas en parler avec Hugues. Je savais que tu allais être là. Dis-moi, écoute, c'est un secret polichinelle que Drew Brees s'en va. S'en allait à NBC Sports. Il y avait déjà des pourparlers. Dans l'histoire de la NFL, tu vas retenir quoi? Il n'a pas été chanceux. Il a été longtemps. Il était dans les années de Aaron Rodgers. Il était dans les années de... Ben, il était dans l'ombre de Peyton Manning, Tom Brady, mais il a quand même démontré... Il a quand même démontré d'excellentes statistiques, puis un corps arrière, un homme qui était toujours préparé, dévoué autant sur le terrain qu'à l'extérieur, parce que quand il est arrivé en Nouvelle-Orléans, il a tellement aidé la communauté avec l'ouragan Katrina, Je parlais de ça avec mes collègues, puis il a pas été chanceux, puis il méritait peut-être au moins un deuxième, troisième Super Bowl aussi là. Pas chanceux parce qu'il était dans l'ombre de ces corps arrière là, puis tu parles de Rodgers aussi, même Ben Roethlisberger puis tout ça. Mais c'est ça, puis à cause de ça, puis là en plus avec l'équipe qu'il y avait, le fameux jeu miraculeux des Vikings, le mauvais call en série d'arbitre, fait que c'est ma première chose qui me revient, c'est qu'il n'a pas été chanceux, mais c'est quand même un grand corps, puis sans aucun doute, il va être un membre du Temple de la Renommée au premier ballot, là, comme on dit. Oh, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis tu regardes ça, c'était un petit carrière, donc c'est pour ça qu'il avait été en deuxième ronde. Hein? Oui, deuxième ronde par les Chargers. Il a fait 5 ans à San Diego avant. Puis c'est là qu'il a connu, puis on va en rire parce qu'il pensait d'aller à Miami, mais il a connu une blessure... très sévère que beaucoup de médecins pensaient pas qu'il revenait. Puis quand il était prêt à revenir, ben c'était entre les Saints puis les Dolphins. Puis je me souviens, moi, j'ai dit « Ah non, il n'y a pas question, je veux l'avoir. » Il est fini, là. fait que... Mais oui, c'est un petit corps arrière. Puis il y a mon ami, justement, comment il s'appelle? Mon ami Wallet, puis Simon de notre gang, il disait « Avez-vous remarqué quand il lance, il lançait sa pointe des pieds, là, tu sais, sur le bout des orteils, tellement que, tu sais, c'était pas un grand quart arrière, puis il était toujours comme en hauteur pour essayer de pas se faire toucher le ballon, ses passes, fait que, vraiment, là, un athlète avec une éthique de travail, il s'est donné jusqu'au bout. Il nous a fait peur un peu parce que il y a 2 semaines, il avait montré une vidéo comme quoi qu'il poussait un genre de traîneau, là, l'entraînement. Là, c'est pas un entraînement de sous-sol à 42 ans. Non. Fait qu'on pensait qu'il revenait pour une autre année, mais je pense qu'il a pris la bonne décision malheureusement parce qu'il était fatigué à la fin, là, dans un sens là, physiquement, comparé à un Tom Brady parce que veut pas à cause de sa taille, il a dû travailler fort Peyton plus que Tom Brady là. Ouais, c'est effectivement. C'est une belle carrière. Il s'en va maintenant à NBC Sports. Probablement que Al Michael puis Chris Collins. Quoi que Michael, c'est pas encore décidé. Hein. Il y avait eu des rumeurs qu'Al Michael pourrait retourner à ABC. J'ai bien hâte de voir ça. Moi, j'ai entendu NBC, ben, il va faire partie de l'équipe de. Pas de commentateur, en studio. Puis il va commenter, il va être avec l'équipe de NBC le samedi qui couvre les Notre Dame, les Fighting Irish. Okay. Fait qu'il va faire les matchs de Notre Dame puis le dimanche soir. Ok. Dis-moi, il y a une rumeur de Sean Watson. Serait accusé d'agression sexuelle. As-tu vu ça passer? Ouais, j'ai vu ça rapidement. Là, ça va casser le party. Les gens qui pensaient l'avoir, là, qu'elle a été changée, là. Est-ce qu'il y a des équipes qui vont se garrocher là-dedans? Ben, je vais être honnête, Danny, si cette nouvelle-là, les équipes l'auraient su avant, là, Ouais. d'habitude, ils savent ces affaires-là, mais je pense qu'il y a l'affaire de Deshaun Watson, là, c'est ben, premièrement, lui qui veut pas s'en aller. Je pense que l'équipe aimerait ça le garder parce que c'est quand même un quart arrière jeune. Puis là, l'affaire, c'est s'ils veulent le laisser aller, c'est ben trop demandé. T'sais, on parle de trois choix de première ronde, comme le film Draft Day là, Ouais. de Kevin Costner, là, ce genre d'entente-là. Mais moi, personnellement, je l'ai toujours dit, j'ai pas aimé sa façon qu'il a Non. réagi dans toute cette affaire-là, surtout avec les réseaux sociaux et tout ça. Tu peux demander un échange, tu peux le faire, mais je pense qu'ils sont mal pris. Moi, j'ai l'impression, j'ai fait un sondage sur Twitter, là, j'ai l'impression qu'il y avait 41% qui pensent que Watson va rester à Houston puis il va faire la grève. Ah, il y a peut-être des gens avec ça. Fait que je pense que les équipes, puis vous avez parlé avec Hugues, t'sais, vous avez parlé hier, Hugues, avec tout le marché des transactions, le cap salarial a diminué de 8%. 8%. Puis on voit beaucoup d'ententes d'un an seulement parce que les joueurs savent que le plafond salarial va augmenter, la valeur va augmenter avec le nouveau contrat télé qui s'en vient, là. Fait que c'est trop demandé. Fait que je pense que les équipes veulent que sa valeur à Watson va diminuer. Fait que mais c'est tout un dossier parce que ben Est-ce ils vont être que patients, mais le premier choix de Miami, parce qu'ils ont le troisième choix, ouais. toi, ensuite de ça, le troisième, toi, et le 18e, est-ce que ça pourrait être possible? Que les Dolphins Ouais. prennent un quart arrière? Non, une transaction entre les Dolphins, parce que c'est des rumeurs, les Dolphins, Ah oui, toi, mais après ça, les deux choix première ronde de cette année. ben il l'aurait fait là. Je ne sais pas pourquoi c'est pas fait encore. Ouais, Fait que c'est pour ça que je crois pas. Je pense que Coach Flores, moi, il serait comme moi là. Faut donner une deuxième saison à Tua là, pour ben l'évaluer oui, comme il faut, faut. c'est clair. Là, c'est sûr qu'il y a bien du monde qui me dit c'est tout un quart arrière. Watson, il joue bien, mais tu sais, je veux dire, c'est trop demandé. Même dans la situation qu'on a financièrement, les équipes en ce moment, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour Watson, même si. Puis je pense que peut-être l'histoire de l'agression sexuelle, Ben, est-ce ça va faire que. reculer du monde, ça, c'est sûr et certain. Sûrement. OK. Les gagnants, les perdants. Ben, Mes pattes, même si ça me oui, fait ben moi suer, je je suis bien content de mes pattes. Sauf très. que là, on n'a pas de carrière encore. Mais Ouais. ouais, vas-y, je te laisse Ouais, finir. j'écoutais Denis Cazavant, puis il n'y a pas tort, là. Parce que là, on a deux bons alliés rapprochés. On était chez un receveur de passe, c'est pas le meilleur, mais il y a toujours encore l'histoire du repêchage. Est-ce que tu penses. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les Pats, ils n'ont pas le choix de repêcher un quart en première ronde. J'espère. Sauf que, est-ce que Cam Newton va. Si on l'entoure comme il faut avec un camp d'entraînement de 4 matchs, est-ce que ça peut être la solution à court terme? Ben, tout de suite en partant, gros travail de Bill Ouais. Belichick, là. J'ai été très surpris. Très surpris. C'est le genre de gars que je m'attendais qu'il va peut-être faire passer le train, là, puis il le verra pas, là, dans un sens, là. Mais ils ont bien fait, l'argument que j'ai par rapport à Cam Newton, ils ont bien fait de lui signer un an parce que ça l'a aidé justement à aller chercher tous ces joueurs-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comme tu dis, il a trouvé vraiment des éléments pour bien l'entourer. J'ai pas encore dit qu'il va être partant, par exemple. C'est ça l'affaire. Parce que justement, Cam Newton, quand il a connu ses bonnes saisons, c'était avec un excellent ailier rapproché. Là, il y en a deux. Là, Bill Belichick, il vient un peu dans le système avant comme Gronk puis Hernandez, là, dans le Ouais, temps, il est un là. peu là-dedans. Fait que. Puis ils sont allés chercher deux autres receveurs, Aguilar, tout ça. Fait que Cam Newton, puis en plus, il semblerait que les coachs l'adorent Ouais. vraiment, ce Cam Newton-là. Et l'autre affaire, c'est que est-ce que c'était une bonne évaluation de Cam Newton l'année passée avec le fait qu'il arrive avec une nouvelle équipe, un nouveau playbook, il y a eu le COVID, il y a pas eu de pré-saison, blablabla. Mais moi, je pense qu'il prépare, Belichick, il prépare, parce que s'il veut un corps arrière au repêchage, il faut qu'il monte au 15e rang. Ils ne seront pas là, les corps. Il faut qu'ils montent, faut qu'ils montent. Parce qu'au 15e rang, possiblement qu'au 15e rang, Trey Lance ou Mac Jones vont être disponibles. Ben, c'est parce que si on fait un calcul rapide, Lawrence puis Wilson vont partir. Puis s'il y a une équipe qui va aller chercher soit Trey Lance ou Mac Jones avant les Pats, faut qu'ils montent. Ouais. Fait qu'il peut pas attendre au 15e si un des deux, soit Lance ou Mac Jones, part avant le 15e rang. Je pense qu'il se prépare à ça. Là, Trey Lance, en plus, je pense que Trey Lance avance même sur Justin Fields. Ouais. Fait que ça risque d'être peut-être entre Fields et, il plafonne, lui, là. Ah, ouais, quand même. Il a plafonné beaucoup. Fait qu'il hésiterait entre Fields puis Mac Jones. Puis je pense que tout le monde dit que Mac Jones fitterait bien avec Bill Belichick et les Pats, parce que à cause de Nick Saban, c'est un peu dans mes philosophies. Mais c'est un ancien d'Alabama, puis l'Alabama, exact. Quand tu regardes ça, ils n'ont pas formé grand carrière dans l'histoire. Mais ils se donnent vraiment, Belichick, et encore une fois, je dois l'admettre, il se prépare bien. Là. Fait que si jamais, un exemple, il va avoir une compétition de corps arrière, mais on va le savoir comment. Ben, on va savoir qu'est-ce qu'il va faire au 15e au choix, puis c'est là qu'on va. On va déterminer le futur des Pats. Okay. Mais je pense que Bill pense d'aller chercher un corps aussi en repêchage. Ouais. Dis-moi, il y a plusieurs grands noms qui n'ont pas encore trouvé preneur. Hein? Oui, ben oui. Vas-y, oui. Ouais, je sais pas si... Schuster. Oui, ben les receveurs... je pense que qu'est-ce qui se passe, là, c'est aussi... Je reviens encore avec la situation financière, mais les... La liste des receveurs qui sont disponibles, je pense que les équipes pensent que ce sont d'excellents receveurs comme numéro 2 qui veulent avoir le salaire d'un numéro 1. Ouais. Puis je pense que les équipes sont pas prêtes à dépenser cet argent-là. Fait qu'ils vont être bien patients. Ça, c'est vraiment la classe des receveurs qui est décevant dans le marché des joueurs autonomes. Mais veut pas, comme j'ai mentionné tantôt, ça va être tous des contrats d'un an, autant pour le joueur, autant pour l'équipe, parce que justement, c'est quand même 15-16 millions de moins que le plafond salarial, puis il y a bien des équipes qui sont en difficulté, là, puis c'est malheureux, parce que pour venir à Smith-Schuster, j'aurais peut-être gardé plus lui que Big Ben, là, parce qu'ils ont décidé de le garder, mais les Steelers n'ont pas d'argent pour le garder. Là. Ouais, fait que, mais oui, il y a encore des gros noms, mais aujourd'hui, Trent Williams a demeuré avec les 49ers, donc un gros contrat de 6 ans, 136 millions, c'est vraiment gros, là, mais il reste... ça a commencé raide lundi, mais ça a été tranquille. Là. Ça a été plus des ententes de deuxième ordre qu'on a eues depuis hier. Là. Ouais. Tony, y a-t-il quelque chose en terminant qui t'a marqué? Je pense que je voulais dire de quoi, mais je pense qu'on a fait le tour. Là. Je pense que faut être patient là, au niveau des équipes. Là, la nouvelle année est commencée. Fait que là, depuis 4 heures, là, depuis 16 heures aujourd'hui, mercredi, donc tout est officiel. Là, donc toutes les ententes vont s'officialiser. Je vais te parler du contrat de TV, puisque je t'ai aussi. Oui. Le contrat de TV, comment tu t'as... c'est quand même surprenant que la NFL, quand même, c'est à la hausse, hein? Puis c'est une année de COVID, c'est quand même bizarre pareil, hein? Puis les ABC, les ESPN, les NBC, CBS, Fox, ils payent. Ils payent parce que je pense qu'ils ont peur du streaming. Ouais, hein? Mais le problème, c'est que les chaînes vont payer cher, mais ça veut pas dire qu'ils vont aller chercher le monde, là. C'est vraiment l'enjeu en ce moment avec le streaming. On fait beaucoup de... Le match jeudi soir sera en streaming. Tu as entendu parler de ça? Oui, ben, ouais, NFL Network puis Amazon. Ouais. Mais NFL Network est encore là, par exemple. C'est le canal de la NFL, tu n'as pas le choix. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est un poste quand même, comme on va dire, traditionnel. Puis là, la rumeur veut aussi comment ABC va rentrer dans la rotation du Super Bowl. Oui. Puis ABC va revenir au Monday Night Football. Hein? En C'est-tu alternance officiel, avec ça? Je suis ESPN. pas Ben, sûr. j'ai vu ça Ouais, en c'est ça. alternance avec ESPN. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, on voit que, ben, tu sais, je veux dire, je veux pas, parce que je suis quand même au-dessus de 40 ans, là, on est proche de la cinquantaine, là, On a la même mais âge. les réseaux de télé, je trouve qu'ils dépensent, mais je leur comprends parce que c'est leur plus grande source de Ben écoute, revenus, regarde là. des émissions dans les 10 plus Ouais. grandes émissions de sport dans l'histoire des États-Unis. Il y a quasiment plusieurs, c'est quasiment plusieurs Super Bowl, hein. Les cotes Ouais. d'écoute, là, c'est incroyable. Mais c'est beaucoup, c'est de la grosse argent, mais tu vois, si je reviens à ABC, ESPN, dans toute la famille des réseaux, ESPN est le mieux placé avec son ESPN Plus, qui est le réseau de streaming, parce que ESPN est à veille d'aller chercher les droits de la Ligue nationale de hockey. Fait qu'ils Ouais, vont utiliser ben, c'est fait. leur streaming pour jouer ça, là. C'est Fait fait. que, Fait que, Tony, un gros, ouais. gros merci. On se reparle bientôt. Ça me fait plaisir, Salut, Danny. Tony.